Chapitre 17e. Sedan, la République. Ces exclamations frappèrent Julien de stupeur. En France, il faut toujours s'attendre à un changement de gouvernement. Les plus solidement établis peuvent être emportés par une tourmente révolutionnaire. Bien qu'il n'eût pas âge d'homme en 1848, Julien était des rares Français qui connaissent l'histoire contemporaine. Il savait avec quelle foudroyante rapidité un mouvement de réforme était devenu révolution. Mais il s'était rallié à l'Empire libéral. Mais il s'était endormi en rêvant d'un poste diplomatique. Mais rien ne l'avait préparé à une catastrophe. Sedan, il ne comprenait pas. La République, c'était différent. Ce mot a un sens parfaitement défini. Que l'on ait pour la République de l'affection ou de la répulsion, qu'on la considère comme une délivrance ou un épouvantail, au seul énoncé de ce mot, on sait de quoi il s'agit. Un trône s'est écroulé et le peuple l'a remplacé par un gouvernement provisoire, à moins que le gouvernement provisoire ne se soit installé de lui-même. Julien comprenait que l'Empire n'existait plus. Mais comment la chute s'était-elle opérée, à la suite de quels événements? Il éprouva pendant quelques minutes une mortelle angoisse. Il appela ses amis. Sa voix, étranglée par l'émotion, ne parvint pas jusqu'à eux. Il n'avait pas à sa portée le cordon de la sonnette, étant encore levé à ce moment. Il se sentait trop faible pour marcher et surtout pour descendre l'escalier. Rester dans l'incertitude, être tourmenté par les sinistres pensées que suscitaient les exclamations de bon enfant, accentué encore par sa physionomie effarée, lui était insupportable. La constatation de son impuissance augmentait son exaspération. Il vit le pardessus d'été que Bonenfant avait jeté négligemment sur une chaise et des poches duquel émergeaient des journaux. Julien se dit qu'il apprendrait quelque chose en les lisant. Il se traîna jusqu'à cette chaise en s'aidant des pieds et des mains. Il put même saisir des journaux. Ses efforts avaient épuisé les forces physiques dont l'équilibre déjà si faible avait été brisé par la crise morale. Il s'évanouit. Le pauvre malade était oublié. Autour de Bonenfant se pressaient au salon tous les hôtes de la villa, y compris les domestiques. Dans les circonstances solennelles, les distinctions sociales tombent, le sentiment patriotique rapproche les distances. Bonenfant racontait ce qu'il avait vu, ce qu'il savait. L'envahissement du corps législatif, la proclamation de la régence avortée, la prise de possession de l'hôtel de ville au nom de la République par les membres du gouvernement de la Défense nationale. Bonenfant n'avait jamais aimé l'Empire. Il était légitimiste de conviction, d'instinct et de tradition comme beaucoup de Provençaux. Il avait contre la République une insurmontable aversion. Il se répandait en virulentes invectives, disant, non sans raison, que c'était un crime de faire une révolution en présence de l'ennemi, qu'il lui fallut confier un triumvirat le soin d'offrir la paix, sauf, en cas de refus, à appeler sous les armes tous les hommes valides. Bonenfant pouvait d'autant mieux parler ainsi qu'il était décidé, quant à lui, à payer de sa personne, et de fait, il s'était admirablement conduit pendant le siège. Il n'a jamais voulu quitter Paris. Tous ses auditeurs étaient atterrés. Ils croyaient Paris à feu et à sang. Le docteur, qui avait passé la journée à Ville-d'Avray, essaya quelques objections. Connaissant les exagérations du Provençal, il contesta certains faits. Bonenfant s'écria. « J'ai acheté tous les journaux, blanc, bleu, rouge. Vous allez voir vous-même. » Et il monta à la chambre avec l'intention de prendre son pardessus. À peine eut-il ouvert la porte. « Docteur, Mélanie » cria-t-il à plein poumon. Ils accoururent précipitamment l'un et l'autre, Mélanie surtout, qui eut le pressentiment d'un malheur. Quand elle vit Julien inanimé, étendu sur le parquet, elle devint aussi pâle qu'un mort. Le sang s'arrêta dans ses veines. Il lui semblait que son cœur s'évaporait. Le docteur fut tout aussi douloureusement affecté. Sans perdre la tête, cependant, il prit Julien dans ses bras, le mit sur le lit et lui fit respirer des sels. Le malade ne tarda pas à reprendre connaissance et à rouvrir les yeux. Ses premières paroles furent « Sedan, la République ». Il avait une fièvre violente et la tête en feu. Ses yeux étaient hagards. Le délire était imminent. Le docteur n'hésita pas à employer les grands moyens. Il appliqua des sinapismes aux jambes et des compresses d'eau glacée sur la tête. Fort heureusement, ces révulsifs furent assez puissants pour empêcher le transport au cerveau. Fort heureusement aussi, la cicatrice ne s'était pas rouverte. Le docteur s'en assura en enlevant le bandeau que Julien portait toujours à la tête et qui lui donnait l'aspect tout à fait dolent. Mais le malade avait été frappé par un coup que le docteur se reprochait amèrement de n'avoir pas prévenu. Sa première consigne avait été observée trop bien. Il lui fallut mettre Julien peu à peu au courant de la situation. Quant à Mélanie, elle était la vivante image de la douleur. « Sedan, la République, » reprit le patient, cette fois sur un ton bas et attristé, sans égarement. « Mélanie, » ajouta-t-il, « dites-moi la vérité. » La jeune fille consulta le docteur du regard. Celui-ci, pour toute réponse, la poussa doucement à la tête du lit. Elle comprit. « Mon ami, puisque vous avez appris ce fatal secret, hélas, ce n'est un secret que pour vous, que nous voulions laisser dans l'ignorance, afin de ne pas ajouter à votre faiblesse physique les douleurs morales. Je dois vous dire quels lamentables événements se sont déroulés depuis 2 mois. » Et elle raconta cette douloureuse histoire de la guerre avec la Prusse. De grosses larmes coulaient des yeux de Julien. Suffoquée elle-même par l'émotion et péniblement affectée de le voir pleurer, Mélanie s'arrêtait souvent dans son récit qu'elle abrégeait le plus possible. Alors le jeune homme lui adressait un regard suppliant, et elle continuait, pour se taire encore et reprendre sa narration. Le docteur et bon enfant écoutaient, pleurant aussi. Elle eut assez de force et de courage pour aller jusqu'au bout. « C'est affreux, c'est affreux !» dit Julien. « Et ne pouvoir prendre un fusil, être là, dans son lit, quand la patrie a besoin de tous ses enfants !» Le malheureux garçon avait fait entendre le cri du patriotisme surexcité, sans réfléchir que ses paroles frapperaient au cœur Mélanie comme un sanglant reproche. Elle devint livide et fit sur elle-même un effort suprême pour prononcer ces quelques mots. « Vous voyez bien que vous ne m'avez pas pardonné, c'est le juste châtiment. Mélanie, ma chère Mélanie, je vous en conjure, ne prenez pas pour vous mes regrets, n'ajoutez pas le doute à mon malheur. » « Merci, » répondit la jeune fille, trop heureuse de s'être trompée. S'il n'y eut dans leur intimité que ce petit incident fâcheux, le coup qui avait frappé Julien n'en eut pas moins de tristes conséquences. Le retour à la santé, si bien commencé, s'arrêta. Le lendemain, le malade ne put se lever. Il avait passé une nuit très agitée. Joseph avait veillé auprès de lui. Chaque fois que son sommeil avait été interrompu, il avait demandé des détails sur la guerre. Vainement, Joseph s'était efforcé de le calmer. La préoccupation patriotique était plus forte que la prudence. La journée du 5 fut mauvaise pour le malade. Le docteur et bon enfant, qui s'étaient retirés la veille fort tard dans la soirée, revinrent à la première heure. Il exigea d'eux des nouvelles. Puis vint Arnold Barthes. Il l'interrogea aussi. Chaque mot lui causait une souffrance. Mais il allait, pour ainsi dire, au-devant de la douleur. Il s'en repaissait. On eût dit qu'il voulait rattraper les émotions non ressenties. C'est à peine si Mélanie obtenait par ses prières, et au besoin par ses ordres, qu'il fut plus raisonnable et plus calme. Cette journée fut mauvaise aussi pour la jeune fille. M. Guermandis vint à la villa. Dans l'effarement que lui causait l'effondrement de l'Empire, la perte de sa position, la crainte des persécutions, le conseiller d'État avait eu une bonne pensée, celle de réparer ses torts. Il s'attendait à être mal reçu par Mademoiselle Ripert, qu'il avait odieusement offensé, ce qui ne manqua pas. « Mademoiselle, » dit-il, « les circonstances sont trop graves pour que je m'excuse par des protestations de repentir. Je fais mieux, je le crois. Ma femme et mes filles partent avec moi pour le midi. Refuserez-vous de vous confier à leur garde ?» Mélanie fut sensible à cette démarche et à cette offre. Elle remercia M. Guermandis et accompagna son refus de paroles gracieuses. « Mais, malheureux enfant, Paris sera siégé avant 8 jours. »« C'est un malheur. Je m'y résignerai. »« Je vous en supplie, ne vous obstinez pas. Si vous ne voulez pas aller dans le midi, ce qui serait le plus sage, un rapprochement étant possible, amené par les désastres de la patrie. Et si vous me redoutez encore, allez ailleurs, mais partez. Mon devoir est de rester. C'est de la folie, Monsieur Guermandis. Votre démarche d'aujourd'hui efface tous vos torts. Je veux répondre à votre offre, dont j'apprécie la bienveillance et la sincérité, par un témoignage de confiance. Il faut que je reste ici, parce que je me dois un malade hors d'état de supporter le voyage. Vous le connaissez sans doute, ne fût-ce que de nom, c'est un compatriote, M. Julien de Mulsey. Que dites-vous ? Julien de Mulset, voilà donc le motif de sa disparition. Je vous dis la vérité. J'ai voulu me venger sur lui de tout ce que j'ai souffert. Je l'ai à peu près tué. Quoi qu'il arrive, je ne l'abandonnerai pas avant qu'il ne soit rendu à la santé. Je n'insiste pas. Dieu veuille que vous n'ayez pas à subir l'un et l'autre les horreurs de la guerre. À la garde de Dieu. Je crois inutile que je voie M. de Mulset, bien qu'il soit de mes amis. Je vous laisse juge de l'opportunité de l'instruire de ma visite. » Il partit. Quand Mélanie revint auprès de ses hôtes habituels, elle les trouva discutant une grave question, celle-là même qui avait amené M. Guermandy. Que Paris dût être assiégé, cela ne faisait doute pour aucun d'eux. Quelles mesures convenait-il de prendre à l'égard de Julien ? Le docteur déclarait formellement qu'il était de toute impossibilité de le faire voyager. La question était de savoir si on le laisserait à Ville-d'Avray ou s'il serait ramené à Paris. Dans ce dernier cas, le docteur se procurait une des voitures lits des hôpitaux. Avec sa pétulance habituelle, Bonenfant affirma que c'était là une question oiseuse. Comme tous les Parisiens, il croyait Paris non seulement imprenable, mais impossible à investir. Il était persuadé que si les Allemands avaient l'audace d'approcher de la capitale, ils seraient écrasés, anéantis. Il les appelait de tous ses vœux. Tout le monde pensait ainsi. Les désastres accumulés n'apportaient avec eux aucun enseignement, aucune prévoyance. Arnold Barthes dut combattre énergiquement l'opinion de Bonenfant que le docteur n'était pas éloigné de partager. « Vous êtes dans une erreur profonde, » dit-il. « Les Prussiens assiégeront, affameront et bombarderont Paris. » Aura-t-on le temps de l'approvisionner assez abondamment pour qu'une défense effective, forte, capable d'exécuter des sorties victorieuses, puisse être organisée ? Je l'ignore. Ce qui est certain, fatal, c'est le siège. Paris investi, Ville-d'Avray sera occupée par les Prussiens, c'est inévitable. Quant à moi, je crois que notre ami sera mieux ici qu'à Paris. Voici pourquoi. Dès demain, je puis protéger la villa par un drapeau suisse et un drapeau de la Société de Genève, Société internationale de secours aux blessés. De plus, j'enverrai un de mes compatriotes qui parle fort bien allemand. La villa étant une ambulance, sous pavillon suisse, sera toujours respectée. La maison est matériellement à l'abri des projectiles. Il n'y a rien à craindre du côté ni de Paris, dont les boulets ne peuvent arriver jusqu'ici, ni du côté des Allemands, qui n'auront pas un intérêt stratégique à occuper ce revers de la montagne. « Mais, dit le docteur, si Paris est assiégé, nous ne pourrons plus venir voir le malade. C'est vrai ? Ce sera un grand chagrin pour nous et pour lui. Comme compensation, il aura le grand air pour aider à sa convalescence et puis, ajouta le Suisse, il ne sera pas exposé aux privations. Oh ! Je ne crois pas me tromper, hélas. » Mélanie avait dès le début de l'entretien donné plein pouvoir à ces messieurs, résolue à se conformer à leur décision. Elle était retournée auprès de Julien, toujours agitée, toujours fiévreux. La jeune fille avait seule assez d'autorité sur lui pour faire diversion à ses tristes pensées. Elle le sentait très bien. Aussi le quittait-elle le moins possible. Attentive maintenant à ne rien lui laisser ignorer, de peur d'une nouvelle surprise, elle lui apprit l'objet de la délibération. « Je veux rester ici. Je désire, » se reprit-il en souriant à Mélanie. « Je désire rester ici. » C'était un ordre, et le plus agréable et le plus doux. Elle y vit presque un aveu d'amour. Aussi, quand elle apprit la décision arrêtée, se pencha-t-elle près du malade, murmurant « Nous resterons ». Il fallait se préparer un séjour qui pouvait devenir une longue claustration. Dès le lendemain, Arnold Barthes prit ses mesures pour neutraliser la maison. Il fit dresser des actes parfaitement en règle, desquels il résultait que la villa était une dépendance de la Légation suisse de Paris et un poste de la Société de secours aux blessés. Il planta les deux drapeaux à la porte de la grille et sur la maison. Il amena, comme il l'avait promis, un de ses compatriotes de confiance auquel une chambre fut attribuée. Sur les indications de Julien, Bonenfant, assisté de Joseph, apporta les objets précieux qui se trouvaient dans son appartement de la rue d'Aumale, notamment ses titres, ses valeurs et son argent comptant. Julien avait toujours 3 ou 4 000 francs disponibles. Les coupons de juillet de ses rentes 3% n'avaient pas été touchés. Bonenfant les encaissa. Il y en avait pour 2 500 francs, ce qui fit un total de 6 000 francs environ. Somme plus que suffisante pour parer à toutes les éventualités, d'autant plus que Mélanie était elle-même largement pourvue. le docteur, lui, s'occupa des provisions. Le poulailler de la villa, abandonné depuis longtemps, fut rempli, ainsi que la petite cabane destinée à une chèvre. La cave fut garnie de vins ordinaires et de vins de malade. Plusieurs sacs de pommes de terre, de fortes quantités de pâtes alimentaires, de chocolat, etc., furent apportés. Le docteur ajouta une pharmacie portative dont il expliqua l'usage. Tous ces préparatifs occupèrent une semaine. Julien ne s'y intéressait que fort peu. Il n'était pas dans le mouvement, pour employer une expression courante dont on a fait abus. Sa pensée n'avait pu concevoir l'immensité des désastres de la patrie. Il en était positivement malade. Cet état n'était pas sans inquiéter le docteur, qui redoutait le moment prochain où il serait obligé de ne plus venir à la villa. Il l'eût considéré comme un crime d'abandonner Paris, de consacrer à un seul sa science et ses services. Il s'était fait inscrire sur les registres de la garde nationale et avait reçu un brevet de chirurgien-major ayant Sextus Bonenfant pour infirmier. « Je suis trop vieux et trop lourd pour aller au feu, » disait le Provençal, « mais je ne veux pas rester les bras croisés. » Et il s'était mis à prendre les pansements. Tous les matins, il allait dans les hôpitaux où personne n'avait souri de voir un étudiant de 60 ans. Le dévouement patriotique enflammait tous les cœurs. Tous les soirs, les amis de Julien lui faisaient leurs adieux comme s'ils ne devaient plus le revoir. De jour en jour, l'investissement était plus imminent. Les armées allemandes avançaient à marche forcée, se disposant avec une régularité mathématique à cerner Paris. Un double mouvement s'opérait. Les habitants des environs se réfugiaient dans la ville, tandis que ceux des habitants de la ville qui redoutaient le siège ou qui auraient été des bouches inutiles la fuyaient. C'était sur tous les chemins de fer, sur toutes les routes, un lamentable va-et-vient de voyageurs affolés, emportant ce qu'ils avaient pu ramasser et cherchant un refuge. Un véritable sauve-qui-peut, dans lequel la terreur confondait tous les âges, toutes les conditions sociales. Femmes, enfants, vieillards, hommes valides aussi se poussaient, se pressaient, se heurtaient dans une débandade qui était la contrepartie des bravades du début de la guerre. La défense de Paris, cependant, était sérieusement organisée. Les enrôlements volontaires compensaient par leur nombre la couardise des francs-fileurs, sobriquets plus gouailleurs encore que flétrissants, infligés aux fuyards sans excuse. Aussi, quand vint le jour du blocus complet et définitif, Paris comptait une formidable armée de 600 000 défenseurs qui eût pu être utilisée mieux qu'elle ne l'a été, mais qui aura éternellement la gloire d'avoir supporté stoïquement les horreurs de la faim. Le 17 septembre furent coupées les lignes de chemin de fer de l'Ouest, les dernières restaient libres. Ce fut le 17 septembre que ni le docteur, ni Bonenfant, ni Arnold Barthes ne parurent à la villa des Trapèzes, la seule habitée sur le revers du coteau. Julien baissa la tête sous le poids écrasant de son impuissance. Pour la première fois, Mélanie éprouva le sentiment du vide. Pour la première fois, elle eut peur de sa responsabilité. La double protection qui abritait sa maison ne lui parut pas un gage certain de sécurité matérielle. Les actes de vandalisme, rapportés par les journaux, se représentaient à son esprit. Elle se vit à la discrétion et à la merci des barbares envahisseurs. Dans l'effarement de la première heure, elle jura de défendre son honneur jusqu'à la mort, de vendre chèrement sa vie, et de se tuer plutôt que de tomber entre leurs mains. Mourir, mourir après avoir entrevu une espérance de bonheur. Heureusement, les dispositions prises par Arnold Barthes étaient judicieuses. Elles furent suffisantes. Lorsque les Prussiens prirent possession de Ville d'Avray, ils visitèrent une à une les maisons de la ville et celles de la campagne, s'emparant des habitations abandonnées, réquisitionnant celles qui leur plaisaient parmi les autres. À la villa des Trapèzes, le serviteur suisse parlementa à travers la grille. Deux soldats furent placés en sentinelle jusqu'à l'arrivée d'un officier qui, ayant mission de vérifier l'exactitude des déclarations faites, s'en acquitta avec une politesse qu'il serait injuste de ne pas constater. Les Prussiens sont comme Louis XI. Ils réprouvent les cruautés inutiles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent servir de terrifiant exemple, et qui d'ailleurs pourraient amener des complications diplomatiques. Rassurée sur ce point, Mélanie se consacra entièrement aux malades. Julien fut très affecté de la visite de l'officier prussien, qui avait poussé jusqu'à sa chambre la vérification. Dans la disposition d'esprit où il se trouvait, la discrétion même de cet officier lui parut une insulte. Ses offres de service pour l'envoi d'un médecin, si ses soins étaient nécessaires, lui semblèrent une insolente marque de mépris. Le caractère français a de ces exagérations. Ce n'eût été qu'un défaut d'équilibre moral, si la farouche attitude du malade avait été sans influence sur son état. Malheureusement, il n'en était pas ainsi. Julien restait languissant et sans force. Mélanie se désolait. Elle était inquiète. Son amour, qu'elle analysait maintenant, et qu'elle eût proclamé volontiers à voix haute, son amour la rendait timorée. Elle voyait fort bien que Julien ne le partageait pas, et même n'en tenait aucun compte. Entre eux se dressait la patrie en deuil, et c'est la patrie seule que Julien voyait. Il passait de longues heures sans prononcer une parole. Le malade s'affaiblissait de plus en plus. Il mangeait à peine et ne dormait presque pas. Mélanie avait entendu les domestiques se dire que le pauvre garçon ne pouvait aller bien longtemps ainsi. Elle prit une grande détermination, inspirée d'ailleurs par les procédés qu'avait employés Julien à son égard. On n'avait à la villa aucune nouvelle de la guerre ni du siège. Le serviteur suisse qui seul allait aux provisions à la ville d'Avray, et qui ne se procurait pas sans difficulté les objets les plus nécessaires, n'en rapportait que des impressions. Les Allemands avaient ou affectaient une confiance pleine de morgue. Les Français ne savaient rien, sinon que les ennemis agissaient en maîtres. Peu de bruit au surplus. Seul le canon du Mont Valérien grondait par moments, sentinelle avancée protégeant ses approches. De Paris, rien, si ce n'est quelques ballons que l'on voyait traverser l'espace emportant de hardis messagers. Mélanie avait d'abord mis tous ses soins à distraire Julien de ses preuves de la guerre. Elle résolut de l'y intéresser au contraire et de traiter le malade par les stimulants moraux. « Mon ami, lui dit-elle, le siège de Paris se prolonge au-delà de toute prévision. Hélas !» Je comprends et je partage votre douleur. Je souffre d'autant plus que je vois dépérir sans pouvoir vous porter secours. C'est moi qui vous ai mis dans cet état et je ne puis vous guérir. Mélanie. Je ne suis pas médecin, moi. Les médecins de Ville d'Avray sont à Paris. Il m'est impossible cependant de garder plus longtemps la responsabilité qui m'écrase. Que voulez-vous dire? Du courage, mon ami. Les médecins doivent leurs soins à tous les malades. Ce sont des hommes sans patrie. Non, non, je ne veux pas d'un médecin allemand. Sa vue seule me ferait plus de mal que tous ces remèdes ne m'apporteraient de soulagement. J'ai donc plus de haine que vous. Je n'hésiterai pas à recevoir la santé d'un ennemi, avec la ferme résolution de prendre un fusil dès que je pourrai le porter et d'aller faire le coup de feu. Non, non, pas de médecin allemand. Je vous comprends, Mélanie. Vous voulez que je réagisse contre la rage impuissante qui me ronge. Vous avez raison. Le découragement est indigne d'un homme. Et puis, inutile à mon pays, que du moins je ne sois pas une charge trop lourde à mon ami. Pendant plusieurs jours encore, il y eut lutte dans l'esprit de Julien, mais stimulé par la jeune fille, qui avait conscience d'avoir frappé juste, il s'occupa bientôt avec ardeur des choses de la guerre. Il tressaillait toujours quand le canon grondait. Au lieu de renfermer en lui-même ses tristes réflexions, il faisait, sur une des cartes des environs de Paris, des combinaisons et des plans. Les Prussiens n'en devaient pas beaucoup souffrir. Il avait du moins, lui, les émotions de la bataille. Il était de cœur avec les combattants. Il remerciait avec effusion Mélanie et l'associait à ses illusions qu'elle entretenait avec un soin pieux. Les bons effets de cette transformation ne tardèrent pas à se manifester sur l'organisme du malade. À l'atonie succéda une activité reconstituante. Julien fut assez bien pour profiter des dernières caresses du soleil. Le commencement du mois d'octobre eut quelques beaux jours. Mélanie était redevenue confiante et heureuse. Elle reprit les projets esquissés naguère, et bien que leur réalisation fût subordonnée à des événements inconnus, en dehors de sa prévision, elle se berçait de l'espoir de reconquérir de haute lutte sa position dans le monde sous l'égide de Julien. Celui-ci, ramené à sa conception première, était plus décidé que jamais à reconduire la jeune fille à sa mère. Comme tous les Provençaux qui ont reçu des Romains le respect profond de l'autorité paternelle, Julien se croyait obligé à tenter tout ce qui serait humainement possible pour effacer le souvenir de sa révolte par d'irréfutables nécessités et, en cas d'insuccès, de les justifier. Mélanie était si complètement, si absolument éprise, son amour était si loyal, si pur, qu'elle n'eut pas un seul instant l'idée que le souvenir du passé pouvait se dresser menaçant. Peut-être, si Julien avait fait son examen de conscience, aurait-il été obligé de s'avouer qu'il éprouvait un âpre plaisir à la pensée de revoir Madame Ripert. Il est des femmes dont l'amour est plus dangereux que la mythologique robe de Nessus. On ne peut s'en dépouiller sans s'arracher des lambeaux de cœur. Ce ne devait pas être de sitôt que les deux jeunes gens entreprendraient cette expédition. Le siège continuait, toujours le même pour eux. Le mois d'octobre déclinait déjà, il n'y avait eu encore aucune action sérieuse à l'ouest de Paris. Que se passait-il sur les autres points? Il l'ignorait. Le 21 eut lieu le combat dit de la Malmaison. Julien, sans en comprendre la portée, suivit les péripéties de la bataille avec une exaltation qui n'avait plus rien de maladif. Le serviteur suisse avait deviné, à l'attitude des Allemands, que l'affaire n'avait pas été entièrement à leur avantage, et Julien en ressentit une joie patriotique des plus favorables à son rétablissement définitif. Il était assez fort maintenant pour qu'il s'imposât le devoir de ne pas commettre d'imprudence. À vrai dire, il était prisonnier de même que Mélanie, Miette et Joseph. Le serviteur suisse avait constaté que les Allemands surveillaient, et même d'assez près, la villa des Trapèzes. D'après ses avis, les habitants ne franchissaient jamais les grilles. Ce fut une réelle souffrance pour Julien, quand il se sentit assez bien en santé pour la vie active. Son horizon lui paraissait d'autant plus borné que l'amour de Mélanie, contre lequel il ne pouvait opposer qu'une résistance passive, pénétrait davantage dans son cœur et dans son esprit. Le dilemme qu'il avait débattu naguère, ni amant ni mari, se dressait devant lui plus redoutable de jour en jour, et il éprouvait parfois une grande perplexité à se persuader qu'il était, qu'il resterait ami désintéressé. Julien ne s'ennuyait pas. Il s'effrayait de la solitude et du tête-à-tête. Il redoutait les effets d'une familiarité de laquelle Mélanie, avec un abandon charmant et une confiance absolue, n'excluait autant dire rien. La jeune fille avait remarqué que Julien s'intéressait à ses exercices de gymnastique. Elle voulut l'y former. Julien se prêtait à ce jeu, avec plus de complaisance qu'il n'eût été, non pas convenable, mais prudent. Mélanie riait de bon cœur de ses maladresses et le prenait par les mains, par la tête, par les jambes, par la taille, pour rectifier ses positions et ses mouvements. Pour elle, la gymnastique n'avait pas de sexe. Il n'en était pas de même de Julien. La vue et les attouchements de ce beau corps de femme qu'un costume indiscret révélait avec une merveilleuse précision lui donnaient des sensations trop fortes, auxquelles il n'avait pas le courage de se soustraire. Le danger de cette situation étrange s'était déplacé. Il résidait maintenant dans Julien, dans celui qui s'était imposé un devoir à accomplir. Mélanie se sentait aimée avec une quiétude d'esprit et un apaisement de cœur qui supprimait le péril. Ce fut leur préservatif à tous deux. Mais tandis que Mélanie en fut péniblement impressionnée, Julien accueillit comme une délivrance un événement inattendu.